car les paroles d'or sont souvent suivies d'actes de plomb. Certains ont pété les plombs, on les a trahis. Les belges restent même si dans ma tête tout reste fouillé. J'illumine les cervelles des momos et des kakis qui s'accaparent des biens que jadis tu as acquis. Notre jeunesse meurt au fond, rêve de briller sur le dos de la prince. Mais combien d'en tromper leur team? Tu me demandes pourquoi mes mots sont si cruels quand la colère s'accouple avec la vengeance et la cruauté. On marche en troupe, mais combien suivent le troupeau? Tu sais, un agneau en politique craint encore le loup. On veut tout subsister grâce à des substances subliminales. Et le diable lui cesse de nous suborner. J'ai vécu la pauvreté à la manière d'un homme. Mais tu sais, le chaud oublie rarement qu'elle fut un temps froid.